donc un peu les filles. Allez, on va. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue ici dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG et nulle part ailleurs, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit, voire plus. Des fois, ça peut arriver. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission Johnny de A à Z et nous sommes le premier mercredi du mois. Et qui dit premier mercredi du mois dit live émission, tout en live. Évidemment, des fois, les lives ont une thématique. La thématique de ce soir, c'est la suivante. Les chansons de Johnny ont des fois vécu deux fois, hein, mais avec un gros écart d'année. Du genre, je sais pas, un titre qu'il a été chanté en 1967, il a repris qu'en 1983, par exemple. Je dis une connerie comme ça, je ne vous tromperai pas s'il devait y avoir un jeu. Et voilà. Le plus gros écart dans la piste de ce soir, c'est 43 ans. 43 ans, Johnny l'avait chanté telle année, il a repris quelques années plus tard, 43 ans après. Et bien, en gros, la thématique de ce soir, c'est ça, le plus gros écart ou les écarts des chansons qui ont eu une vie une fois, ils ont eu une autre vie une seconde fois. Et ça va donner une superbe playlist. On va retrouver Johnny Hallyday, ben vous savez quoi, un peu partout, hein, un peu partout. On va le retrouver en 2006, en 2015, en 1998, en 92, en 2000 également, en 2011 aussi, oui, en 95 également, en 96. Voilà ce qu'on peut dire sur cette émission de ce soir qui va faire, je suis sûr, des ravages. Vous allez voir la télécharger, oui, parce que l'émission sera en gros prête demain en podcast, sans souci. Et oui, c'est ça le service rapide maintenant, c'est ça. On ne vend plus de produits maintenant, mesdames et messieurs, on vend uniquement que des services. Et si un service, eh bien tout le monde est content, bien entendu. Êtes-vous prêts pour commencer cette fameuse émission Johnny de la Z spéciale live? On va commencer par le premier titre de cette soirée qui est Rivière, ouvrons ton lit. C'est la dernière fois que cette chanson a été chantée, c'était en 1970 et elle revient en force en 2006, soit 36 ans plus tard, au Palais des Sports de Paris, lors de la tournée Flashback Tour. Bonne soirée à toutes et à tous, voici Johnny Hallyday sur RIG. Je te connais, tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, moi je te connais, tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. En toi, trouver le ciel en toi. Combien de fous dans leur douleur t'ont choisi pour maîtresse. Je sais combien d'amour avant le mien se meurt sans une messe. Rivière, ouvre ton lit. nous vois tous. Non, tu n'es rien qu'une fille de mauvaise vie. Ce soir, je veux coucher entre tes bras de la peur de le bruit. Si je ouvre ton lit, ta bouche, je veux laver mon corps. Je veux toucher le fond de mon malheur. Je veux toucher le fond de ton cœur. Je sais, je commence fort cette soirée spéciale live avec des titres qui ont eu deux vies ou qui ont été interprétés 10, 15, 20 ans, 30 ans plus tard. Voici tout de suite un titre chanté en 1972 lors du Johnny Circus et ce titre réapparaît en 2015 lors du Restez Vivant Tour, 43 ans après. Et le titre, évidemment, c'est Tomber, c'est facile. Et merde, dans tes amours, ne mentis jamais de ton chemin. Ne pensez que tu vas trop loin. Arrête un peu et regarde un peu. Tu verras combien sont malheureux. Ça t'est bien égal. Ce que tu veux. Mais comment peux-tu vivre avec tout ça? Oh, mais c'est facile lorsqu'on s'est comme vous dans les bras. Et toi, on sait que tu n'en manques pas. Ouais. Oh, mais c'est facile. Mais on n'apprend pas ses erreurs. Pour ton bien, tu perds la mémoire et tout va très bien. Et l'amour comme un refrain de froid. Ne crois pas tout ce que tu entends. Car ton rêve disparaîtra juste devant toi. Comment peux-tu priver de tout ça? Parce qu'on sait comme dans les bras. Et toi on sait que tu n'en manques pas. Mais quand même c'est facile. Parce qu'on sait comme. Allez.

lâche. Vraiment lâche. Mathieu, ma sans oui de me regarder, c'est me troubler. Ma sans oui de m'enlacer, le fait crier. Pour moi, tu es lâche. Car pour moi, tu es lâche. Vraiment lâche, vraiment lâche. Johnny Hallyday à Bercy en 1992. On écoutera tout à l'heure un autre titre extrait de ce Bercy 92. Merci. Et de rien. J'ai présenté, il est heureux que je lui ai présenté son titre. À présent, on va écouter un titre. Country Music, j'ai pleuré sur ma guitare, qui revient en 2015 lors de la tournée Restez Vivant Tour. Et la dernière fois que Johnny avait interprété ce titre, c'était en 1975, soit 30 ans auparavant. Si tu reviens un jour, marcher sur les traces de notre amour, tu ne trouveras plus ton chemin. Si un jour ici tu reviens, tu verras la maison comme moi, elle a son cœur à l'abandon. Et ses portes ouvertes à tous les vents. Ne me cherche pas plus longtemps. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es parti trop tôt et tu es venu si tard. Et je ne sais même pas où va ce train. J'ai attendu longtemps, guettant ta voix dans la voix du vent. Ton image dans l'eau des torrents et ton parfum dans les champs. Moi j'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Toujours un peu sur les chagrins. Oui, tu es parti trop tôt. Tu es venu si tard. Et je ne sais même pas où va ce train. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Il pleut toujours un peu sur les chagrins. Tu es venu si tard, et je ne sais même pas où va ce train. Où va ce train? Où va ce train? Présent, on va à l'année 2000 pour cette spéciale émission Johnny de A à Z, avec des titres réinterprétés 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans plus tard, comme ce titre-là, Deux étrangers. On s'est aimé, trop peut-être, en détruisant notre amour. On s'est perdu à chacun notre tour. Et après tant d'amour, Moi, je voudrais te faire crier. Lors de la première du Palais des Sports, ce titre sera oublié jusqu'en 2000 pour les concerts de la Tour Eiffel, de l'Olympia et la petite tournée qui est suivie. Vous le savez tous, c'est avec Mathieu Chédid que j'ai travaillé sur mes nouvelles chansons. Pourtant, celle-là, c'est pas une nouvelle. Mathieu avait très envie qu'on la joue ensemble. Il m'a pas fait un cadeau parce que c'est une chanson. D'abord, je l'ai pas chantée depuis longtemps, mais elle est pas facile à chanter. 32 ans. Mais bon, ça commence comme ça, quand on revient à la nuit. Elle a déjà fait un concert en 65 dans le tournée d'été, 66. Elle revient en 98 lors d'un medley pour le Stade de France, soit 32 ans après. Et aussi lors du show de Johnny en 2011 en version complète. On revient la nuit, tout seul je m'ennuie. Je pense à toi. Le jour qui verra mon donnée lors de ce show en 2011. Voici encore un titre revenu en 2015 lors de la tournée Restez Vivant Tour, délaissé depuis 40 ans. C'est le titre Nadine. Vous écoutez RIG, la radio de Junaïdé, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Toujours pas retrouvé. Voici à présent un titre jamais chanté sur scène lors et après sa sortie en 1977, chose réparée en 2003, 26 ans plus tard quoi, lors de la tournée Plus près de vous en 2003. Que j'ai bien voulu prendre.

écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, dans l'émission Johnny de A à Z, le mercredi de 22h à minuit. Et voici les titres qu'on aurait aimé entendre plus souvent, mais que Johnny a interprété on zappe. Mais que Johnny interpréta 10, 15, 20 ans, 25 ans plus tard. Par exemple, ce titre-là, Entre mes mains, ce titre de 1968, connu 4 vies sur scène, la première en 1969, 10 ans plus tard en 1979, 14 ans plus tard en 1993 au Parc des Princes, et 20 ans après en 2013 à Bercy, lors de la tournée Born Rocker Tour. Présent, voici une autre pépite scénique de 1979 à 1980. C'était sa première apparition sur scène. Et elle reverra le jour en l'an 2000, soit 20 ans après. Voici le titre « Qu'est-ce que tu croyais ?» sur RIG, dans l'émission « Johnny de la Z ». Mais tu sais, non, ça ne marche pas. ceux qui brillent. Ton heure, oui, c'était il y a longtemps. Ça relie des souvenirs. Les filles donnent leurs 20 ans. Maintenant, tu peux courir. Mais tu sais, non, qu'elle ne se voit plus, que tu resteras seul. Ah, c'est une longue nuit qui t'attend, une nuit sale à vomir. Ici, tu n'es qu'un perdant, oui, tu vois ce que je veux dire. Présent une autre pépite du répertoire Hallyday de 1978, Cet homme que voilà. Johnny l'a chanté lors du pavillon de Paris en 1979, du 18 octobre à début novembre. Elle revient sur la scène du Stade de France en 1998, soit 19 ans plus tard. Tu vas t'asseoir ici et tu vas m'écouter. La femme que j'aimais, tu me l'as fait quitter. Et je suis devenu cet homme que voilà. Et te voilà perdu, et perdu de remords. N'avoir jamais su résister à ton corps. Tu ne le verras plus, cet homme que voilà. Je vais laisser la place, je plains mon successeur. Un jour, quoi que tu fasses, tu feras son malheur. Tu te rappelleras. Que voilà avec à la batterie qui matraque Abraham Laboriel Junior, n'est-ce pas Thierry? Un titre de 1976 à présent. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bateau. Je suis celui qui fait un pas, dont je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne veux pas m'envoler sans aide. Quitte au curé, quitte au pasteur, tailler les ailes et se faire pendre. Le diable est passé de bonheur. Cette nuit, à l'aube, je vous donne ma vie. À quoi me sert Get Raccoon pour Fou a été chanté pour la dernière fois en 1980, puis retour 13 ans plus tard au Parc des Princes, comme on a pu l'entendre en 1993. On revient à présent au Stade de France en 1998 avec cet hommage à un ami. Cette chanson fut interprétée en 1979, en 1980 et en 1981, puis abandonnée jusqu'en 1998, soit 17 ans plus tard. Voici Salut Charlie. À bout de prière, de poignée de terre, pas de fleurs, pas de curé. Tu es parti, mon frère, boire ton dernier verre, seul au grand bar de l'éternité. Nos deux solitudes avaient l'habitude de vivre ce semblant de vie. Les flics et leurs grilles, le vin et les filles, c'est fini. Oui, salut Charlie. J'irai dans les bars où nous allions le soir, pour dire que tu ne viendras plus. Je boirai dans ton verre, du haut de ton enfer. Tu me verras peut-être pleurer. Il me reste le monde, plein de brunes et de blondes, sans l'ombre et d'une amitié. Nos rires et nos bagarres, nos misères et nos gloires, oui, c'est fini. Salut Charlie. Et je vois et de ma seule famille. Grâce à toi, je m'en étais tiré. À ton chien qui te cherche avec son cœur en laisse. Bien sûr, je n'ai pas le blessé. Je vais payer tes dettes et puis casser la tête à ceux qui te l'ont trop cassé. Nos cuites et nos histoires, nos rires et nos bagarres, c'est fini. Salut Charlie. manque un peu les filles. J'ai beau penser à ses conseils, à la fenêtre je m'émerveille. Je regarde passer ces demoiselles, pendant que ma mère s'écrivait. Laisse les filles. Ah oui, mais laisse les filles. Tu vas bientôt avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Allez, laisse donc un peu les filles. Johnny, laisse les filles, connu la scène en 1960, puis dans un medley en 1962, dans un autre medley 31 ans plus tard, oui, au Parc des Princes, et 20 ans après, en intégralité en 2013, lors de ce Band Rocker Tour. Je vous avais chanté cette chanson. Oui, c'était pas 1974, Johnny, c'était 1967. Si j'étais un charpentier, ce titre revient sur le devant de la scène en 1998 au Stade de France, soit 14 ans plus tard. La dernière fois que Johnny l'a interprété, c'était lors du concert donné au Sunday Rock en 1984 sur la station radio RTL. Là, on écoute la version du Band Rocker Tour. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant? Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi. Je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Prends l'amour que je te donne, tu dois être forte. Quand notre fils sera un homme, il aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mes mains seraient sèches et dures, et les tiennes si fragiles. Hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Oui, nous fuirions dans le désert, cacher le nouveau-né. J'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et tout recommencer? Écoutez.

passé. Nous revenons maintenant au Stade de France en 1998 avec le titre Génération perdue, écrite en 1966, délaissée de la scène depuis 1967. Les paroles de Lancris résonnent à nouveau au Stade de France, 31 ans après. Tendu, tu réclames ta liberté. Qui ne veut pas et ne parle pas comprendre. Il voudrait te voir derrière son établi, partir en main de sa vie. Samedi soir, la sortie est obligatoire et s'arrête au cinéma. Moment de la certitude, il y a au plus profond ta solitude. Derrière les murs de la compréhension, à l'espoir rempli de passion. Dans les rues mouillées aux couleurs de l'ennui, et ce chien qui hurle au silence de la nuit, ton cœur trop serré a envie d'exploser à la face d'un monde résigné. Un autre titre, I Got a Woman, ce titre de Ray Charles, connu la scène jusqu'en 1981. Le temps d'un duo avec Gilbert Montagnier en 84 lors des Sunday Rock. Retour à la scène pour un soir à Saint-Étienne le 24 novembre 1995 pour revoir le jour ou la nuit chaque soir en 2009 lors du Tour 66. Là, on va à Saint-Étienne le 24 novembre 1995. Voici un petit piac. Vous savez que ça fait longtemps.

À présent, on revient à un titre de l'album Génération Perdue de 1966, chanté pendant 2 années. Et là, nous revenons à une version, nouvelle version rock et percutante, 24 ans plus tard. Cette version saisit les spectateurs de Percy en 1992. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Là, une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Là, soudainement je suis tombé. Et comme ça je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. Dans ma j'aimais partir, j'aimais courir, et quand tu viens, je veux rester là. Je suis sincère, je veux mourir, si tu ne veux pas, pas tout ça. Tu es né pour être à moi, et j'espère que tu y crois. Nous serons ensemble chaque jour. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là, non. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Soudainement, je suis tombé, et comme ça, je suis resté à chaque instant. Voici maintenant un titre disparu de la scène en 1970, un titre d'Eddie Cochrane, Cours plus vite Charlie, qui revient sur la scène du Parc des Princes en 1993, soit 23 ans plus tard. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, Johnny de A à Z, de 22h jusqu'à minuit. Dit à son voisin Jean, doucement je crois la même fille, vit déjà longtemps. Faisons alors une course à travers tout le pays. Celui de nous deux qui gagnera, poussera le tir. Comme les charriers, tu gagneras, ne te retourne pas. Comme les charriers, tu gagneras, la fille sera pour toi. attirer les regards. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert les portes de son palais pour recevoir les olives vertes de Mademoiselle Lucille. Comme le bébé Charlie te gagnera, ne te retourne pas. Comme le bébé Charlie te gagnera, ton fils sera pour toi. Tu gagneras, la fille sera pour toi. Ton bébé Charlie, tu gagneras, la fille sera pour toi. Mais le paysan de Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de bons amis, il courait les pieds nus. Il connaissait le pays, les forêts et les cours d'eau. Mais le banquier était son ami, le poser dans le dos. Comme le Charlie te gagnera, ne te retourne pas. Comme le Charlie te gagnera, la vie sera pour toi. Et Courbevoie de Charlie ne fut chanté que le premier soir, le 18 juin 93, au Parc des Princes. Vous entendez ça? C'est le titre Essayé, cette perle de Philippe Labro, de Tommy Brown et de Mickey Jones, délaissée de la scène depuis le Johnny Circus en 1972. Et elle est de nouveau chantée 32 ans plus tard, à Bercy, lors de ce Plus près de vous. Vous quitteront, ils vous diront, faut essayer. De vous aimer à votre tour, oui, de réussir tout ce que nous avons gâché, avons raté. Essayez. Essayez de vous aimer. Essayez de vous aimer. Essayez de vous aimer. Vous aimer. Pendant plusieurs années, 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 43 ans pour le plus vieux. Et nous voici avec Je suis victime de l'amour, ce titre de 82, extrait de l'album La Peur, revient sur le devant de la scène en 2015 lors du Restez Vivant Tour, 33 ans plus tard. L'amour est un vrai tueur. De quoi traquer. Rock'n'roll sur RIG, Rock is good. Voici le titre La Terre Promise. Après le spectacle L'Ange aux yeux de laser de 79 à 80, ce titre est oublié jusqu'en 1996 pour le show de Las Vegas. La terre brûle sous mes pieds, je ne sais pas m'arrêter. Mais où mes chansons m'entraînent, je ne fais que passer. Oui, je suis chez moi là où on m'aime, ailleurs, ailleurs, je suis à l'étranger. Très en train de ville en ville, je finirai bien partout. Je ne me souviens plus d'elle, son nom je l'ai oublié. Oh, mais je cours toujours après l'amour, mais la vie va me rattraper. La terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. Vegas. Ouais. Avec le titre. Avec le titre, prochain titre, Rien que 8 jours. 96, c'est la renaissance de ce titre délaissé depuis 1985. Vous savez. Dans un medley rock'n'roll donné au Zénith, puis après ce fameux show de Las Vegas. Cette année, c'est l'année de la France. L'année de la France à Las Vegas. La ville du rêve, la ville de l'invraisemblance et les 40 ans du rock'n'roll. Alors j'ai voulu, pour ces 40 ans de rock'n'roll, vous faire un spectacle uniquement de rock'n'roll. Dans le rock'n'roll, il y a quelqu'un qui a été très très important, qui a écrit une grande partie de la musique du rock'n'roll, c'est Mr. Chuck Berry. 40 days, en français, c'est rien que 8 jours. Je te donne ce bijou. Rien que le sac. À nos amis je raconterai tout ce que tu m'as fait. Si tu n'es pas rentré, je ferai connaître ton aventure. Je ne te connais pour revenir, y'a que 8 jours. Que 8 jours. Et je vais dire à ce garçon qui t'aime que tu m'as quitté. Pour que je sois très jaloux et vienne te supplier. Je lui dirai que c'est pas la première fois et que t'es toujours revenu dans mes bras. Je ne te donne pour me revenir, rien que 8 jours. Rien que 8 jours. C'est à présent le dernier titre de cette soirée. Aussi, Johnny. Nous aussi pour le dernier titre de cette soirée avec Dead Alive, ce titre original de Lonnie Donegan et chanté sur la scène du Johnny Circus en 1972. Revoit le jour 23 ans plus tard à La Rochelle le 6 décembre 1995 pour un soir, également pour un soir le 16 juin 2013 au Théâtre de Paris. Puis le Trianon et sa tournée américaine en 2014 et lors de la tournée des Yael Canaï en 2014 et pour un soir à Lille en 2017. It's a hard road, end of a life. Well, it's a hard road, end of a life. Well, a hard road, end of a life. Well, it's a hard road, end of a life. Well, I don't like your hard rock hotel. Cause it's a hard road, dead of a life. Well, it's a hard road, dead of a life. A hard road, dead of a life. Well, it's a hard road, dead of a life. Oh! picture. It's a hard road, day of life. Well, it's a hard road, day of life. Well, it's a hard road, day of life. A hard road, day of life. All right, chef cette émission Johnny de A à Z spécial live avec des titres délaissés, oubliés pendant des années, pendant 30 ans, 40 ans, 20 ans, 25 ans, 15 ans. Et ce soir, on les retrouve sans antenne du RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, d'être toujours aussi présents et aussi nombreux à écouter cette émission Johnny de A à Z, hein, comme tous les mercredis soirs. Mais on se retrouve dans 3 semaines. A bientôt toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.